Les chasseurs de nazis. Chapitre 4. Des agents en Argentine. Deuxième épisode. Les agents du Mossad ont fait leur travail en 1960 avec l'enlèvement d'Adolf Eichmann pour le livrer à la justice israélienne. Donc, on entre dans le corps de l'Office central, le fichier central. Loin de Buenos Aires, Jens Rommel, le procureur allemand de l'Office central d'enquête de Lewitzburg, classe ses fiches Bristol, tapées à la machine. On a ici un fichier avec 1,7 million de cartes en papier avec 700 000 personnes, 27 000 lieux de crime et plus de 4 000 unités et services allemands. J'ai vu aussi que vous étiez allé plusieurs fois en Argentine. Racontez-moi, ça a même été diversement commenté par la presse allemande, qui disait, si je me rappelle bien, les chasseurs de nazis vont passer leurs vacances en Amérique latine. Comment est-ce que vous avez vécu ça et qu'est-ce que vous allez chercher en Argentine, sachant que c'était donc le lieu d'exil favori des anciens dignitaires qui sont partis comme Eichmann et Mengele avec des faux passeports fournis par le Vatican ou la Croix-Rouge, direction Buenos Aires. Alors c'était un journal, un seul, qui a fait ça, la Welt, c'est-à-dire c'est pas l'opinion générale parmi les journalistes en Allemagne, mais à part ça, c'est évidemment la raison qu'on a des soupçons que les responsables se sont fuis en Argentine, au Chili, en Brésil, après-guerre, et peut-être sont encore vivants là-bas. C'est une trace qu'on a essayé d'éclairir pour trouver des personnes responsables. Est-ce que vous êtes allé à Bariloche ? Non. Donc le lieu dans les Andes où les Allemands ont carrément fondé une ville à la gloire du 3e, voire du 4e Reich. Alors ce qu'on a fait en Argentine, c'était d'être dans les archives, de chercher les informations concernant les immigrants. C'est-à-dire on a regardé à des listes du port de Buenos Aires. Chaque bateau qui est arrivé avait une liste de passagers et on a cherché si on trouve quelqu'un avec un nom allemand, un certain passeport pour trouver des responsables. Mais c'est beaucoup de poussière. Est-ce que dans ces fichiers cartonnés, il y a la fiche d'Eichmann ? Oui. Monsieur Eichmann est ici. Voilà. Ici, on a la carte de Adolf Eichmann avec aussi ses dates personnelles et ses positions dans l'administration de la sûreté. Et on a ici comme lieu Berlin, la Hongrie, la Tchécoslovaquie et l'Europe de l'Est, comme il était responsable pour une région très vaste. Et ici, sur 10 cartes, on a toute information. Et donc, est-ce qu'il y a mention du procès à Jérusalem en 61 ? Certainement. On va justement trouver le tribunal de Jérusalem a condamné à mort l'accusé le 15 décembre 61 et aussi l'exécution en mai 62. Il est entré dans la cabine de verre à 8h55, sans préavis. Simplement, il est entré, il s'est assis. Face à la cage de verre, c'est le titre du récit à la fois sobre et fort que fait l'écrivain israélien récemment disparu, Haïm Gouri. Dans la cage de verre, en 1961, à Jérusalem, il y a bien sûr Adolf Eichmann. Grand, sec, complet sombre, chemise blanche méticuleusement repassée, cravate. Deux policiers, immobiles à ses côtés. C'est tout. Dans la salle et la galerie bondée, le silence. Pas une exclamation, pas un cri. Tous les regards sont braqués sur lui. On se lève pour mieux le voir. On tire des carnets. On commence à prendre des notes sans regarder ce qu'on écrit. Il se tient assis, comme une statue. volonté de fer de rester calme ou insensibilité d'un homme qui ne saisit pas qui il est. Toute l'assistance le regarde, fascinée. Des Israéliens, des Européens, des Américains, des Asiatiques, des Africains. Beaucoup de ses compatriotes aussi, des Allemands. Il dure 5 bonnes minutes, ce silence. Devant vous, juge d'Israël, pour mener l'accusation contre Adolf Eichmann, je ne suis pas seul. À mes côtés se trouvent en ce moment 6 millions de procureurs. Ils ne pourront pas se lever, pointer un doigt accusateur sur cette cage de verre et proclamer au sujet de cet homme qui se tient là-bas, j'accuse. L'historien israélien Tom Segev se souvient du procès Eichmann. Je suis né à Jérusalem. Mes deux parents venaient d'Allemagne, donc on parlait allemand à la maison. J'ai parlé allemand avant de parler hébreu. Et naturellement, je me suis toujours intéressé à l'Allemagne et aux nazis. À l'école, on n'apprenait pratiquement rien sur la Shoah. L'Holocauste était tabou dans les années 50. Très peu de gens en parlaient. On nous a raconté les atrocités, le sadisme des camps. Il y avait quelque chose de presque pornographique dans ces évocations. On nous racontait les actes héroïques, les rébellions, les juifs qui collaboraient avec les nazis. Mais on ne nous a jamais expliqué comment une société occidentale normale pouvait tout à coup devenir nazie. Et la première fois qu'on a commencé à en parler, c'était au début des années 60, quand Eichmann, Adolf Eichmann, a été enlevé en Argentine et amené en Israël. Le procès Eichmann a représenté à l'évidence une expérience très profonde et très formatrice pour toute la société israélienne. J'avais 16 ans à l'époque. Je n'avais pas encore de carte d'identité, donc je n'ai pas pu entrer dans la salle d'audience. Mais j'avais conscience de l'enjeu et je suivais le procès à la radio, comme la plupart des gens. Il se trouve que mes parents avaient été amis avec Hannah Arendt en Allemagne. Et elle est venue assister au procès, et de temps en temps, elle passait nous voir. Mais ce procès a été une sorte de thérapie collective pour toute une société. Parce qu'avant, personne ne parlait de l'Holocauste. Les Israéliens n'avaient pas envie d'entendre les récits des survivants des camps. Comment vivre avec des gens qui portent un numéro tatoué sur le bras? Vous ouvrez votre porte le matin pour aller au boulot. Le voisin sort de chez lui et c'est un survivant d'Auschwitz. Comment s'identifier à ces gens, avoir des relations normales avec eux? Et puis il y a aussi beaucoup, beaucoup de questions de culpabilité et de honte. Donc tout le monde était d'accord, mieux valait ne pas en parler. Le procès Eichmann a changé tout ça. Tout à coup, quelque chose s'est ouvert, comme en thérapie. Vous mettez au jour un secret enfoui, très douloureux, et vous essayez de le regarder en face et de faire avec. Donc, on peut vraiment dire qu'avec le procès Eichmann, la Shoah a commencé à être ce qu'elle était et demeure encore aujourd'hui, à savoir une composante majeure de l'identité israélienne. À demain pour la suite des Chasseurs de nazis, une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomaret.